Chapitre 11, page 85, exercice 4. 1. Le moins qu'on puisse dire, c'est qu'Aurélien ne s'est pas étendu sur la question. Sa réponse tenait en un mot. Non. 2. Tu connais Thierry? Il ne répond jamais aux questions. C'est une vraie anguille. On n'a aucune prise sur lui. 3. Je voulais voir ma collègue Sabine. Mais ce n'était vraiment pas le moment. Elle m'a juste signifié qu'elle était beaucoup trop occupée pour avoir du temps et qu'elle avait autre chose à faire que de me parler. 4. Tous les parents veulent que cette école soit construite. Ils vont se rassembler et envoyer une lettre au maire. 5. Loïc m'a assuré qu'il n'avait absolument pas été aidé pour faire ce devoir. Mais je le soupçonne de ne pas être honnête.